Elle sait très bien que je mène la vie d'Aloca. Elle me sort un truc du genre on se capte à l'occas. Si elle traverse, c'est pas pour prendre une photo. Elle sait très bien que je suis pas un fucking floco. Dans la lucarne comme Maradona Diego. Ou peut-être qu'elle veut seulement les clés du froco. Casquette baissée cachée dans le fond d'un feca. Pacheco en bois, ça claque du fructeur Vegas. Bang, bang, bang, j'ai dû baisser ma garde. Dieu merci, elle a touché que mon premier cœur. Bang, bang, bang, j'ai dû baisser ma garde. Dieu merci, elle a touché que mon premier cœur. J'aimerais qu'on clarifie les choses, tu n'es pas le coup d'un soir. Si je suis parti comme un voleur, ce n'était pas contre toi. Mon but n'était pas de finir au lit avec toi. Si je suis parti sans ton cœur, c'est que je n'ai pas eu le choix. J'aurais voulu te dire on va s'aimer. T'aurais voulu entendre on va s'aimer. J'aurais voulu te dire on va s'aimer. T'aurais voulu entendre on va s'aimer. J'aurais voulu te dire on va s'aimer. T'aurais voulu entendre on va s'aimer. J'aurais voulu te dire on va s'aimer. T'aurais voulu entendre on va s'aimer. Y'a que deux places et le moteur est allemand. Ice, ice, ice, le poignet full de diamants. Elle a refait son boulard, on voit que ça. Elle veut mettre ma paire de yeux dans son que ça. Elle m'a eu tout est déjà millimétré. Elle sait qu'elle aura sa lipo avant l'été. Elle nous a vu monter dans le lambeau féfé. Le nombre de chevaux fiscaux, la somme des péchés. Derrière mes lunettes noires, elle sait que je la regarde. Faut que je lui mette son tarif après l'after. Bang, bang, bang, j'ai dû baisser ma garde. Dieu merci, elle a touché que mon premier cœur. Bang, bang, bang, j'ai dû baisser ma garde. Dieu merci, elle a touché que mon premier cœur. Premier cœur. J'aimerais qu'on clarifie les choses, tu n'es pas le coup d'un soir. Si je suis parti comme un voleur, ce n'était pas contre toi. Mon but n'était pas de finir au lit avec toi. Si je suis parti sans ton cœur, c'est que je n'ai pas eu le choix. J'aurais voulu te dire on va s'aimer. T'aurais voulu entendre on va s'aimer. J'aurais voulu te dire on va s'aimer. T'aurais voulu entendre on va s'aimer. J'aurais voulu te dire on va s'aimer. T'aurais voulu entendre on va s'aimer. J'aurais voulu te dire on va s'aimer.